Eric Zemmour t'a vendu le dream de la remigration. T'as cru que t'allais te lever un jour et tous les mettre dans les avions. Dans les avions, dans les avions. C'est bien connu que les races font la masse en transition. Quand tu demandes poliment, putain, cassez-vous, bah voyons. Chute du pognoul tous les jours. Ah ouais, tous les jours. Chute du pognoul, chute du pognoul, pognoul, ouais, pognoul, chute du pognoul. Chute du pognoul, chute du pognoul, pognoul, ouais, pognoul, chute du pognoul. Ouais, chute du pognoul, chute du pognoul, pognoul, ouais, pognoul, chute du pognoul. Rentre à la maison, pognoul, on va te shooter. On va te shooter. Tous les jours, tu m'attends de souche et tu te dis là, c'en est trop. Tellement la rage que t'as plus un rond, t'as tout donné à Conversano. Conversano, Conversano. Les bouillous sont là pour longtemps et j'en ai bien peur. Ils s'assimileront jamais que dans la chatte à ta sœur. Chute du pognoul tous les jours. Ah ouais, tous les jours. Ouais, chute du pognoul, pognoul, ouais, pognoul, chute du pognoul. Chute du pognoul, chute du pognoul, pognoul, ouais, pognoul, chute du pognoul. Chute du pognoul, chute du pognoul, pognoul, ouais, pognoul. Rentre à la maison, pognoul, on va te shooter. On va te shooter. T'en débarques 6 millions. Et puis ça part en couille. Ça se passe toujours comme ça quand on a le tube bordé de crouille. C'est pas en m'attendant Pascal Pro que tu vas rallumer les fours. Car tu sais très bien Timothée que Treblinka c'est pas construit en un jour. Un arabe restera un arabe même s'il bouffe du porc. Un petit ange parti toujours bien trop tard alors. Chute du pognoul tous les jours. Ah ouais, tous les jours. Ah ouais, chute du pognoul, pognoul, ouais, pognoul, chute du pognoul. Ah ouais, chute du pognoul, chute du pognoul, pognoul, ouais, pognoul, chute du pognoul. Chute du pognoul, chute du pognoul, pognoul, chute du pognoul, pognoul, ouais, pognoul, chute du pognoul. Rentre à la maison, pognoul, alors on va te shooter. Just toi, on va te shooter. Rentre à la maison, pognoul, alors on va te shooter. Just toi, on va te shooter. Rentre à la maison, pognoul, alors on va te shooter. Just toi, on va te shooter. Rentre à la maison, pognoul, alors on va te shooter. Just toi, on va te shooter. Rentre à la maison, pognoul, alors on va te shooter. Just toi, on va te shooter. Rentre à la maison, pognoul, alors on va te shooter. Just toi, on va te shooter. Rentre à la maison, pognoul, alors on va te shooter. Just toi, on va te shooter. Rentre à la maison, pognoul, alors on va te shooter. Just toi, on va te shooter. Rentre à la maison, pognoul, alors on va te shooter. Just toi, on va te shooter. Rentre à la maison, pognoul, alors on va te shooter. Just toi, on va te shooter. Rentre à la maison, pognoul, alors on va te shooter.